ramasse, ramasse la défaite, tu dors, tu se froisses comme une feuille. Quand l'orgueil endurcit l'âme, les lames de ton cercueil t'accueillent, la gueule en deuil. Le respect du repos que l'âme et créance recueille. Repose en paix, repose un peu. Crois-tu vraiment qu'il repose en paix? Moi je crois pas qu'il repose en paix. Crois-tu vraiment qu'il repose en paix? La bonne attitude, tu le fais, se trouve dans la vertu du respect. Faut prier, prêter sa mort pour la propreté de ton aspect. Joue pas les Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix. Joue pas les Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix. Je force, avance le score, le hardcore du quartier mort. Sa borne déborde de désordre et d'abord ressent ses morts. Règlement de somme saine comme un coup de gun sonne. Règlement de somme bon dans chaque zone, c'est les droits de l'homme. Le crime ne paie pas, qui ne paie pas un droit au crime. La vue de la vie est en pression, en précision, c'est qu'elle anime. Caractère particulier, malfaiteur à mauvaise mine. Aussi chaud puissant comme une braise, âme de guerre comme un M16. L'esprit conditionné pour une impact aussi balèze. À l'aise, mes mots s'apaisent, pèse pour le baise. Comprends que dans le devoir, ils font vouloir jusqu'au dollar. Le bon mérite sans faux semblant, les vrais besoins du Lascar. Faut pas, non, vouloir avoir affaire aux schizo. Sinon le maniaque au chaud procède donc au drame haut niveau. Cet avis est bien précis, placé aussi bien concis. Un devis d'esprit décide, et que ceci soit cesse. Joue pas le Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix. Joue pas le Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix. De vin, mais j'ai comme l'impression d'un don d'avertir les choses. Et niveau tif, si mon passé est le futur de ton présent, les causes, chose, close, la perfection des choses grandioses. Si tu crois la réincarnation, va tester baron si tu veux renaître. Mais de baron mène même l'enquête, les portails robots sont en tête. Au minimum, minimise la mise, du peu de tous ces têtes que divise. Pour mon ennemi, ma ennemis pour mon ennemi. Esprit, esprit, mauvais état pour mauvais état d'esprit. Quand la violence est le seul moyen d'expression contre la violence, je démolis toute erreur qui laisse penser en conséquence que toutes les haines sont définies par le même impact, cela m'offense. Ou quelconque degré, je l'exclus par mon intime conviction. Je pense au père fouettard de ces lieux, le maître chanteur des banlieues. Du calibre 9 au calibre 12, as-tu ton ticket pour les cieux? Être ou ne pas être tué, dors pas, la vie n'est pas un pieu. Joue pas les Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix. Joue pas les Scarface dans un monde qui n'est pas à toi. Ou bien le vrai Lascar fera usage d'un préjudice pour toi. On voit ce qu'on doit à la vie, souffrir ici n'est pas un droit. Avec ce qu'on voit, le face à face, tenace devient un choix.